les grands oiseaux blancs le long de la mer se sont endormis. Quand le vent est plus frais, la rose moins rose et le ciel plus gris, dans tes yeux apeurés, je vois que revit ta vie disparue. Tu viens dans mes bras, tu viens te cacher comme un enfant battu. Tout doucement, mamie, tout doucement, tu l'oublieras, ta vie, rien qu'en m'aimant. Viens mon cœur, mon amour, ma petite fille, ma mère, mon copain. Viens ma douce blessure, ô mon tendre mal, mon clair lendemain. Si la vie t'a brisé, blessé, emporté, sans rire ni fleur, moi, à force d'amour, je t'amènerai à ne plus avoir peur. Doucement, mamie, tout doucement, tu l'oublieras, ta vie, rien qu'en m'aimant.